Chapitre 10e. Quand ils se furent séparés, Adeline resta sous l'impression de ses conseils, sans pouvoir la secouer. Laisser ces gens-là à leur plaisir. Est-ce que c'était pour le sien qu'il reste avec eux? Mais dans la journée, il lui vint un second avertissement qui le bouleversa plus profondément encore. Comme il allait entrer dans la salle des séances, le préfet de police, celui-là même qui lui avait accordé l'autorisation d'ouvrir le grand I, l'arrêta au passage. « Eh bien, mon cher député, êtes-vous content de votre cercle ?» Adeline, croyant que c'était une allusion à la scène du matin, s'empressa de la raconter et de l'expliquer, tout en se disant que la préfecture était bien rapidement enseignée. Mais le préfet se mit à rire. « Je ne peux pas partager votre colère contre votre cuisinier, et même je trouve qu'il serait désirable que les joueurs eussent à payer quelquefois leurs emprunts à ce prix. Ils emprunteraient moins. » Ce n'était donc pas de cela que je voulais parler. Je vous demandais si vous étiez content de votre cercle. Pourquoi ne le serais-je point? Le nombre de nos membres augmente tous les jours. Nos fêtes sont très réussies. Notre situation financière est bonne. Je n'ai que des remerciements à vous renouveler pour l'autorisation que vous m'avez accordée avec tant de bonne grâce. Puis tout de suite, il entama une apologie des cercles bien tenus et sévèrement surveillés, qui n'était à peu de choses près que la répétition de ce que Frédéric lui avait dit et répété plus de 50 fois, sur tous les tons et avec toutes les sortes de variantes, c'est-à-dire que si les tricheries sont jusqu'à un certain point possibles dans un cercle fermé, ou par cela même que tous les membres ne font en quelque sorte qu'une même famille, personne ne surveille son voisin, il n'en est pas de même dans les cercles ouverts où, au contraire, la défiance et la surveillance sont la règle ordinaire comme si on était dans une réunion de voleurs connus. Mais le préfet l'interrompit en riant. Laissez-moi vous dire que les cercles fermés ne m'inspirent pas plus une confiance absolue que les cercles ouverts. Attendu que partout où l'on joue, on peut tricher. Dans le cercle le plus élevé quelquefois, comme dans le claque-dents souvent. Qu'on ait 100 000 francs de rente ou qu'on crève de faim. Je sais bien que lorsqu'on interroge un gérant de cercle ouvert sur les tricheries, il vous répond que par suite de sa surveillance, elles sont si difficiles chez lui qu'elles sont absolument impossibles. S'il s'en commet, c'est chez son voisin. Il est vrai que lorsqu'on passe à ce voisin, il nous dit qu'il a si bien découragé les philosophes qu'il n'en paraît jamais un seul chez lui, tandis qu'ils vont tous à côté, où il se passe des choses abominables, et l'on est tout étonné, la première fois, de voir que le récit de ces choses abominables est le même dans les deux bouches. Ce qui se fait ici se fait là, et ce qui se fait là se fait ici. C'est par ce simple rôle de confident, aux oreilles complaisantes que j'ai appris quand j'étais jeune, les procédés de cette aimable philosophie qui enseigne l'art de s'approprier le bien d'autrui. Et c'est pour cela que je résiste tant que je peux aux demandes qu'on m'adresse afin d'ouvrir de nouveaux cercles. Croyez-vous qu'on vole maintenant autant qu'il y a quelques années, quand le jeu était peu connu? Demanda Adeline, persistant dans les idées qu'il avait reçues. Autant oui, et même davantage. Seulement les procédés se sont perfectionnés. Ils sont moins gros, et par là plus difficile à découvrir, parce que de nos jours on vole peu à main armée. S'ensuit-il qu'on vole moins qu'autrefois? Pas du tout. Le voleur a changé de manière tout simplement. Il en a adopté une nouvelle, moins dangereuse, pour lui. C'est ce qui explique votre réponse de tout à l'heure. Quand vous vous êtes demandé, bien plus que vous ne me le demandiez à moi-même, pourquoi vous ne seriez pas content de votre cercle? Que se passe-t-il donc? Parlez, je vous en prie. On triche chez vous. « C'est impossible. Si vous me répondez avec cette certitude, je n'ai rien à ajouter. Mais qui triche ? Cela est plus délicat. Nous avons des soupçons, mais comme il arrive le plus souvent, les preuves manquent. Tandis que mes agents peuvent protéger le pauvre diable à qui l'on vole 100 sous, ils ne peuvent rien pour le monsieur à qui l'on vole 100 000 francs, puisqu'il n'entre pas dans vos cercles. Enfin, j'ai des rapports sérieux qui ne permettent pas le doute. On triche chez vous. Il est vrai qu'on triche aussi ailleurs. » Mais ce qui se passe ailleurs ne vous regarde pas, tandis que vous avez intérêt à savoir ce qui se passe chez vous, afin d'éviter un éclat. Voilà pourquoi je vous avertis. Bien que bouleversée par cette révélation, Adeline trouva de chaudes paroles de remerciement, puis il expliqua les mesures qu'il allait prendre avec son gérant et son commissaire des jeux pour découvrir les voleurs. Mais au premier mot, le préfet l'arrêta. « Croyez-moi, ne prenez des mesures avec personne. Prenez-les avec vous-même. » Vous avez confiance dans votre gérant, c'est parfait. Mais enfin, il n'en est pas moins vrai qu'en cette occasion, il est dans son tort puisqu'il n'a rien vu. ou s'il a vu sans vous prévenir, il est encore bien plus gravement. Et c'est toujours un mauvais moyen de recourir à ceux qui sont en faute. Opérez vous-même, ne vous fiez qu'à vous. Il ne vous est pas difficile de surveiller vos gros joueurs. Notre plus gros joueur est le prince de Hennig. Surveillez le prince de Hennig comme les autres. Il n'y a pas de prince devant le tapis vert, bien que des joueurs. Et la façon dont un joueur surveille un autre joueur vous montre quelle confiance on s'inspire mutuellement dans cette corporation. Faut-il donc soupçonner tout le monde? Mais alors, ça serait à quitter la société. Au moins une certaine société. Sur ce mot, le préfet voulut s'éloigner, mais Adeline le retint. Il était épouvanté de la responsabilité qui lui tombait sur les épaules, et il ne l'était pas moins de son incapacité qu'il avoua franchement. Comment découvrir les nouvelles tricheries quand il connaissait à peine les anciennes? Il lui faudrait quelqu'un pour l'éclairer, le guider. Il termina en demandant au préfet de lui donner ce quelqu'un. Il y a des inspecteurs de la brigade des jeux, donnez-moi un. Si les inspecteurs connaissent les Grecs connaissent encore mieux les inspecteurs. Que je vous en donne un, et que vous l'introduisiez dans votre cercle, les choses, tant qu'il sera là, se passeront avec une correction parfaite. Adeline se montra si désappointée que le préfet ne voulut pas le laisser sur cette réponse décourageante. Je vais m'informer, si on peut vous donner quelqu'un qui exerce une surveillance en danger d'être reconnu, et aussi sans provoquer l'attention. Mes agents ne se recrutent pas dans le monde de la diplomatie, malheureusement. Il y en a plus d'un, dont la tournure et la tenue seraient déplacées dans votre cercle. Demain, vous aurez ma réponse. Cette nuit-là, Adeline la passa au cercle à surveiller les joueurs, rôdant autour des tables, cherchant, examinant, mais ne voyant rien d'irrégulier. À la vérité, le prince de Hennig eut une banque exceptionnellement heureuse, mais sans que rien pût éveiller les soupçons dans sa manière de tailler, qui était la plus correcte au contraire, la plus élégante qu'on eût encore vue au Grand I. C'était presque du bonheur. En tout cas, pour plus d'un ponte, c'était presque un honneur de se faire gagner son argent par un si noble banquier, numéroté dans l'almanach de Gotha, et apparenté à des altesses. J'ai attrapé hier avec le prince Hennig une culotte qui peut compter. Ça pose de se faire culotter par un prince. Le lendemain, Adeline attendait le préfet avec une impatience nerveuse. « J'ai votre homme, mon cher député, rassurez-vous. Un ancien agent politique versé dans la brigade des jeux. Il paraît qu'il a été affranchi par les Grecs, et qu'il n'a pas voulu travailler avec eux ni pour eux. On me dit qu'il opère d'une façon surprenante. En tout cas, il connaît tous les tours de ces messieurs, et si celui qui s'exécute chez vous est neuf, il est assez intelligent pour le découvrir. J'oubliais de vous dire qu'il est assez bien pour passer inaperçu dans votre cercle et partout. En plus, décoré d'un ordre étranger pour service politique. Il sera demain matin chez vous, si vous voulez. À quelle heure? 10 heures. Comme 10 heures sonnaient le lendemain, on frappa à la porte d'Adeline et dans son petit salon entre un homme de 45 ans, de tournure militaire, correctement habillé comme tout le monde et avec aisance, les mains gantées. La tête était énergique, le visage montrait des traits détendus et fatigués comme ceux des comédiens qui ont exprimé toute la gamme des passions, mais ce qui frappait plus encore chez lui, c'était de beaux yeux noirs brillants qui semblaient devoir embrasser, sans mouvement apparent, un rayon visuel plus considérable qu'il n'est donné à une vue ordinaire. « Je viens de la part de monsieur le préfet de police. » En quelques mots, Adeline expliqua ce qu'il attendait de lui. « Très bien, monsieur. Vous voudrez bien me présenter comme une personne de votre connaissance ?»« Assurément. Votre nom ?»« Nous dirons Dantin, si vous voulez bien. C'est un nom commode, noble ou bourgeois, selon les dispositions de celui qui l'entend, et lui met ou ne lui met pas d'apostrophe. » Dantin allait se retirer, Adeline le retint. « Monsieur le préfet m'a dit que vous connaissiez toutes les tricheries des Grecs. »« Toutes, non, car on en invente tous les jours, qu'on apporte toutes neuves dans les cercles. Mais je connais à peu près toutes celles qui ont servi. Quant aux inédites, une certaine expérience me permet de les deviner quelquefois. »« Monsieur le préfet m'a dit que vous opéreriez vous-même d'une façon surprenante. »« Monsieur le préfet est trop bon. J'ai acquis un certain doigté. Au reste, je me mets à votre disposition. » Et si vous voulez que je vous donne une séance, je suis prêt. Vous avez des cartes? Mais Adeline n'avait pas de cartes. Il fallait en envoyer chercher. Quand on les apporta, Dantin, qui s'était assis devant le bureau d'Adeline, les prit, les mêla, et tout en causant, parut les examiner assez légèrement. Elles sont bien minces, mais enfin, elles seront suffisantes, je l'espère. » Il les étala sur le bureau et les remua à deux mains avec de grands mouvements des épaules et des coudes. Puis, les ayant rassemblées, il les posa en tas devant Adeline. « Si vous voulez couper, bas, haut, comme vous voudrez. Maintenant, si vous voulez bien me désigner le neuf que vous désirerez, je vais vous le donner. Vous voyez que ni la carte de dessus ni celle de dessous ne sont des neufs. » Adeline demanda le neuf de pique et ne quitta pas des yeux les doigts de Dantin. « Le voici, » dit celui-ci. « En voulez-vous un autre ?»« Oui, le neuf de trèfle, » dit Adeline, se promettant bien de voir comment Dantin opérait. Mais il ne vit rien, ni pour le neuf de trèfle, ni pour ceux de cœur et de carreau qui lui servit ensuite, et il resta ébahi. « Ainsi, vous ne m'avez pas vu, » dit Dantin, « et vous ne m'avez pas davantage entendu. » « Pas du tout. » « Comme vous le savez, c'est la grande difficulté du filage. L'oreille perçoit ce qui échappe aux yeux. Heureusement, j'ai travaillé une heure ce matin, car pour filer, il faut faire ses gammes, comme le musicien. Si je restais un jour sans travailler, vous ne m'entendriez peut-être pas, mais moi, je m'entendrais. Maintenant, comme je n'ai pas la prétention au rôle de sorcier, au contraire, regardez ces cartes. Pendant que j'occupais votre attention en vous disant qu'elles étaient mauvaises, je les ai marquées de quelques coups d'ongle, à peine perceptibles pour l'œil, mais sensibles pour mes doigts. Puis, au lieu de battre les cartes comme tout le monde, j'ai fait ce qu'on appelle la salade, et je vous ai donné à couper. Mais au moyen de cette carte, légèrement bombée, j'ai fait un petit pont, dans lequel vous avez coupé. Et voilà. Quant au filage, c'est affaire de travail, d'habitude et d'adresse.